Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Je vous présente une technique incontournable pour vos prises de parole, le triangle rhétorique. Je suis Thomas Houvet-Léniac, passionné d'art oratoire. Pour Cicéron, le plus grand orateur romain, le secret de l'efficacité du discours réside en trois points. Prouver la vérité de ce que l'on affirme. Se concilier la bienveillance des auditeurs. Et éveiller en eux toutes les émotions qui sont utiles à la cause. Autrement dit, pour qu'une communication soit pleinement réussie, il est indispensable qu'elle touche simultanément les trois aspects qui forment le triangle rhétorique. Il s'agit de l'éthos, du pathos et du logos. Premièrement, l'éthos, ou la crédibilité. C'est un moyen de persuasion résultant de la personnalité de l'orateur. On a tendance à croire les gens que l'on respecte. Il faut montrer qu'on vaut la peine d'être écouté, faire autorité sur le sujet défendu, tout en incarnant une personne agréable et digne de respect. Le message atteindra son but plus efficacement si l'orateur est bienveillant envers son public, s'il a une attitude ouverte et propice à la discussion, et fait preuve de sérieux et de professionnalisme. L'éthos regroupe donc la sincérité, la sympathie, l'honnêteté et l'intégrité, autant de qualités qui confèrent in fine l'autorité. Les propos de l'orateur doivent respirer ses vertus. Deuxièmement, le pathos ou l'émotionnel. C'est un moyen de persuader en faisant appel aux sentiments. Il faut interpeller le public en provoquant une émotion forte, un désir ou l'empathie. Le but est de susciter l'intérêt de l'auditoire en l'impliquant dans le sujet. Le pathos est la capacité à faire ressentir une émotion au public. La manière la plus commune d'y parvenir est d'utiliser la narration. Troisième et dernier point du triangle de la rhétorique, le logos, ou la logique. C'est la persuasion par la raison. Il s'agit ici de la clarté du message, mais aussi de la logique du raisonnement, tout autant que l'effectivité et la justesse des exemples utilisés. La logique se déploie dans l'argumentation et la réfutation. Le discours rationnel repose alors sur des faits. L'aspect logique de toute communication demeure un élément essentiel. Avant même d'en appeler à l'éthos et au pathos, le message doit être structuré, être à la fois analytique et synthétique, il doit démontrer et fournir des preuves. Pour conclure, en respectant ces trois points que sont l'éthos, le pathos et le logos, le discours touche autant à l'art de la persuasion qu'à celui de l'éloquence. Grâce au triangle de la rhétorique, la prise de parole est assurément plus probante et convaincante. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une franche réussite dans vos interventions. C'était Thomas Houvet-Léniac pour l'art oratoire.